Encore un jour où toi, moi, nous, on ne fait qu'un, oubliant tout. Encore une fois, moi dans les bras, sans penser au monde et ses lois. Pas l'amour bref ou juste sincère, mais l'amour qui déchire la chair, sans rendre à chacun une part. Cet amour donné jamais ne part. Encore sans faire d'effort, on s'aime à tort jusqu'à la mort. On s'aime si fort, je sais qu'on s'aimer assez pour vivre heureux, mais pas pour mourir tous les deux. Mais pour nous c'est déjà trop tard, on pourrait mourir dès ce soir. Pourtant on avait tout rêvé, cet amour nous semblait sans danger. Encore sans faire d'effort, on s'aime à tort jusqu'à la mort. C'est trop fort, je sais qu'on devrait tout changer.